Il supprime les voyages aux États-Unis. Il renonce aux promenades en auto. Il retranche de sa table le bacon et le fromage. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à CKRL 89.1. C'est l'émission Carnet de guerre. Carnet de guerre vise à vous parler de l'actualité du front, des engagements en cours et de la situation de la guerre actuelle. Aujourd'hui, à Carnet de guerre, nous allons recevoir le Dr. Jones. Le Dr. Jones est spécialisé en armement, spécialement l'armement allemand. Nous aurons aussi une section où nous réciterons des lettres de famille aux soldats au front. Et nous parlerons évidemment des nouvelles du front. L'émission Carnet de guerre est diffusée en direct du front. Mon nom est Lucien Aymon et j'espère que vous apprécierez cette émission dédiée à l'honneur du Canada et de nos forces armées dont nous sommes si fiers. Nous allons commencer immédiatement avec une pièce musicale du American Quartet qui vient en studio nous interpréter Keep Your Head Down, Fritzy Boy. Une chanson qui va se moquer, pince en rire, du soldat allemand. Vous écoutez CKRL 89.1. Ah! Hotel Kilo. Hotel Kilo. Es folgen Mitteilungen für 328. 328. 11 Open. 921. 921. 66 Open. Achtung. Everybody now and then feels like taking a poke at a detective. But it's wisest to get three husky friends to back you up when you try it. The quatre barbus take courage from one another, take a deep breath, and take a poke at the Paris plainclothes police. The police judiciaire. PJ for short. PJ in French. Qui vous reconnaît de loin à nos regards en coin, PJ. Aux charmeuses sous le nez, aux melons surannés, PJ. À nos mines gentillettes, nos 43 fillettes, marathon anti-rally, rally. Qui c'est qui est toujours d'aspect élégant et correct, PJ. Comme tous les gosses de Paris qui calent ta fleurie, PJ. Nonobstant nos airs bons princes, qui s'est couvert un œil de l'axe, ma tante Irelie, relons. On nous enseigna toutes les façons de saturer les garçons, les fortiches, comment on a raison d'un homme d'un coup de tête au sternum. Sans quitter pour ça l'air innocent que l'on apprécie tant chez nous autres, comment on met sur les rotules enfin deux ou trois jules. De la brigade mondaine à la nord-africaine, subséquemment on constitue l'élite de la tour pointue. En nous voyant distinguer tenir le haut du pavé, PJ, les dames à qui l'on plaît nous appellent mon poulet, PJ. Auprès des belles et à rire, il n'y a pas de pas sans rire, ma tante irrelibre rire. Elles écoutent sans rien dire et poussent des soupirs, PJ. Puis nous invective car on les emmène au car, PJ. Elles espéraient autre chose dans leurs rêves bleus et roses, ma tante Irelie, relons. On a un œil placide et tout miel qui contemple le ciel en artiste, mais on a l'autre méfiant sur les tractions d'avant. Vu qu'il y a des seuls qui mine de rien se comportent en rien et c'est triste. Vont chaque jour piquer le bulle des personnes crédules. Et c'est tant pis pour le gars qu'un soir on mène à la PJ. Cabinet particulier en haut d'un escalier, PJ. Finement de la bottine, comment qu'on le baratine, histoire de lui tirer, bing, lui tirer les verres du nez, bang, c'est les aveux spontanés. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1. Avec Lucien Mont. Nous venons d'entendre l'American Quartet qui nous a fait la pièce Keep Your Head Down, Fritzy Boy. Merci, messieurs. C'était suivi par les Quatre Barbus, un orchestre français qui faisait la pièce PJ en l'honneur de notre police judiciaire. Et nous avons maintenant en studio avec nous le Dr Jones. Le Dr Jones est spécialiste dans l'armement allemand. Doctorant de l'Université de Harvard et détenteur de nombreux prix. Bonjour, Monsieur Jones. Bonjour, Monsieur Emo. J'imagine que vous voulez dire c'est un honneur de vous recevoir, Monsieur Jones. C'est un plaisir pour moi également, Monsieur Emo. L'armement de l'Allemagne nazie, pouvez-vous... nous en parler quelque peu. Tout à fait. Permettez-moi de préciser, M. Aymon, quand on fait référence au mot Panzer, il faudrait spécifier que c'est une abréviation de Panzerkampfwagen, qui veut dire véhicule de combat blindé. Véhicule de combat blindé. Oui. Cette arme est particulièrement intéressante puisque de nos jours, nous en entendons beaucoup parler. Et puis, nous savons que l'ennemi possède trois types de chars et qu'il en a un petit nombre restreint, ainsi que ceux qu'il a pu saisir à l'ennemi dernièrement. Ce sont des chars légers, semi-légers, et d'une mécanique capricieuse et d'une courte autonomie, plutôt appropriée à des manœuvres en terrain dégagé et à des actions spécialisées. Donc, est-ce à dire, M. Jones, que nos propres tanks sont meilleurs que ceux des Allemands? Tout à fait. Sachez que le ministère de la Défense nationale a prévu dans tous les détails la menace de cette arme et les moyens nécessaires pour la contrer. De plus, il existe un haut niveau de collaboration entre nos alliés par le biais d'un comité de planification internation permettant d'exploiter la complémentarité de nos armées dans le but de nous défendre contre l'agression injustifiée de l'ennemi et vers la victoire finale. Bien, ça fait du bien à entendre. Et lors des premiers jours de la bataille de la Somme, des officiers ont rapporté avoir subi les attaques d'un nouveau type d'armement. Il s'agirait d'une sorte de gaz intoxicant. Monsieur Jones, de quoi en est-il exactement? Nos rapports indiquent qu'il s'agit d'un gaz incapacitant de nature inconnue. Les résultats des tests ne sont pas encore connus. Toutefois, nous savons que cela pourrait être une combinaison de plusieurs gaz, comme le chlore, le phosgène notamment, sans se limiter, bien sûr. Le phosgène. Et quel genre d'effet ça peut avoir sur les hommes? Monsieur Emo, je voudrais vous informer, ainsi que vos auditeurs, que l'ennemi a utilisé un ou des gaz à quelques endroits sur une très petite étendue et qu'il n'y a eu aucun effet sur nos troupes. Nos troupes sont équipées d'appareils assurant leur protection contre les attaques chimiques, quelles qu'elles soient, et leur aptitude au combat n'est en rien diminuée. Les effets peuvent être d'une incapacité à poursuivre le combat, et c'est le but recherché par l'ennemi. Il ne veut pas tuer nos soldats, mais bien les empêcher de riposter et mobiliser le plus possible les ressources des secouristes. Et dites-moi, est-ce que ces gaz ont effet aussi sur les animaux de combat? On pense, par exemple, sur le front européen, on m'a parlé de chiens de guerre, par exemple. Est-ce que ce gaz a des effets aussi sur ces animaux? Oui, il peut avoir des effets au même titre qu'aux humains. Toutes les ressources impliquées dans le combat sont protégées avec des équipements de protection personnelle, ainsi que les animaux sont couverts. Donc, si vous avez une petite pensée pour votre chien préféré, Kiki, eh bien, sachez qu'il est protégé. Eh bien, nous saluons tous les animaux à l'écoute et peut-être ceux qui sont engagés en ce moment sur les fronts européens. Et dites-moi, M. Jones, quels sont les autres types d'armes? La propagande est une arme qu'utilise l'ennemi pour tenter de nous ébranler. Jusqu'à maintenant, ces tentatives pernicieuses n'ont aucun effet sur la foi inébranlable de nous et de nos alliés à remporter la victoire finale. Les esprits faibles pourraient être tentés de céder à la panique et de se faire l'outil de l'ennemi en colportant des idées défaitistes. Mais si ces gens existent et qu'ils ne se reprennent pas en main, ils seront sévèrement punis. Pour ce qui est de notre arsenal, M. Aymon, il serait mal indiqué ici de publiciser toutes les informations techniques dont dispose notre armée pour frapper mortellement l'ennemi. Nos troupes disposent à ce jour, sur le théâtre d'opération, de plusieurs armes inédites développées dans nos centres de recherche. Ces mêmes centres de recherche continuent dans le plus grand secret à développer de nouvelles armes plus destructrices encore. Nos troupes attendent le moment opportun de les utiliser afin de maximiser l'impact mortel sur l'ennemi par le fer, le feu, la vitesse et le mouvement. Merci, M. Jones. C'est très rassurant de savoir tout ça, de savoir que l'armée canadienne est prête à vaincre l'ennemi. Dites-moi, parlons maintenant un peu de ces panzers. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Entrons dans les détails techniques maintenant. L'armée allemande utilise, vous l'avez dit, trois sortes de panzers différents. Donc, parlez-nous peut-être du premier d'entre eux, celui le plus courant peut-être. Le plus courant, en plus grand nombre, est un tank léger qui était initialement destiné à l'entraînement. Il porte des mitrailleuses seulement et est très rapide. Donc, présentement, ce tank est déclassé, mais utilisé surtout les théâtres d'opération. Déclassé, qu'est-ce que ça signifie exactement? Déclassé, c'est-à-dire que par rapport à nous, ce tank est inférieur. Ah, c'est rassurant. Et donc, il n'y a pas de capacité anti-char. Ce sont simplement des mitrailleuses. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de capacité anti-char. Comment s'appelle ce Panzer? C'est le Panzer 1. Le Panzer 1, tout simplement. C'est très simple. Peut-être qu'il y a des gens à la maison ici qui nous écoutent et puis qui ont de la famille, des fils ou des gens, des oncles qui sont sur le front et qui doivent affronter ce genre de canon, de ce genre d'armement. Alors, peut-être qu'ils seront contents de savoir qu'ils sont déclassés. Et sinon, qu'en est-il du Panzer 2? Celui-ci est un peu plus pesant ou lourd, si vous voulez, mais toujours encore inférieur en capacité en offensive par rapport à au nôtre. Un blindage insuffisant et une mécanique capricieuse telle que j'ai spécifiée en entrée de jeu. C'est-à-dire que ce sont des armements qui peuvent tomber en panne plus facilement? Oui. Tout peut arriver. Ce sont des véhicules qui sont renommés pour tomber en panne fréquemment. Et c'est plutôt... À notre grand plaisir, d'ailleurs. Oui, c'est avantageux pour nous. Et donc, c'est peut-être que sur le front russe, peut-être que ces tanks auront tendance peut-être à tomber en panne plus facilement. Je l'ignore. Espérons-le. Mais du moins, s'ils viennent au Canada, peut-être que l'hiver rigoureux canadien aura un effet dévastateur sur leur propre moteur. Donc, les Panzer II, voilà. Et maintenant, le Panzer III? Le Panzer III est un succès qui a récupéré tous les mauvais caprices des deux premiers. Et on parle vraiment là ici d'une avancée technologique. Il y a un excellent blindage, un blindage amélioré à l'avant. À cette heure-ci de la guerre, c'est très intéressant. Ensuite, un canon plutôt assez intéressant. C'est vraiment le fer de lance offensif. Est-ce que vous connaissez la dimension du canon? Oui, c'est un canon de calibre 75, de longueur 24 fois le calibre. Donc, c'est quand même assez court. C'est une basse vitesse à la bouche, mais tout à fait suffisant pour détruire ce que nous connaissons présentement des capacités de notre allié russe. Et j'ai lu des rapports de l'armée canadienne récemment et on parlait des différentes tactiques, des différentes techniques employées par les tanks pour faire la guerre. Et on parle d'embuscade ici. Et je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous en parler un peu. Apparemment, c'est une technique couramment employée par les lâches ennemis. On parle, par exemple, de techniques de camouflage. Quelles sont les techniques de camouflage que l'armée allemande peut utiliser? Oui, présentement, cette technique est utilisée en cas de surnombre. Si vous voulez, lorsque vous êtes dépassé en nombre, vous préférez vous embusquer et obtenir l'effet de surprise pour maximiser vos chances de détruire l'ennemi. Donc, à ce moment-là, le camouflage devient important. Le camouflage allemand utilise plusieurs couleurs et c'est très innovateur dans leur façon de se camoufler et d'utiliser le relief à leur avantage. C'est quand même c'est spécial parce que on n'aurait pas tendance à imaginer à la maison que des armements aussi lourds et bruyants puissent servir en embuscade. On a de la peine à imaginer une technologie comme ça, se camoufler, réussir à se camoufler et engager des combats de façon victorieuse. Dites-moi, je pense que ça nous a éclairé notre lanterne. Peut-être que les familles à la maison seront rassurées de voir que la plupart des armements allemands sont déclassés, que nos propres tanks, les tanks canadiens et ceux de nos alliés de l'Empire britannique, eh bien, ce serait peut-être que les gens seraient rassurés de savoir que nous pouvons les vaincre, malgré les avancées rapides que l'armée allemande a pu commettre dans les dernières semaines. Je vous remercie beaucoup, M. Jones. Tout le plaisir était pour moi, M. Aymon. Et vous reviendrez dans les prochaines semaines, peut-être. Nous allons voir ça pour parler plus en détail des techniques de combat de l'ennemi, ou peut-être que nous pourrions aussi envisager de parler de nos propres armements. Sinon, eh bien, vous êtes toujours à Carnet de guerre à CKRL 89.1, et nous allons maintenant entendre une pièce... Non, nous allons maintenant... Gisèle me dit à l'oreille que nous allons écouter une publicité. Alors, voilà. Nous revenons dans quelques instants. Restez à l'antenne.

dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens en moi mon cœur qui bat, des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Aux soldats de l'an 2, par Victor Hugo. Aux soldats de l'an 2, aux guerres épopées, contre les rois tirant ensemble leurs épées, Prussiens, Autrichiens, contre toutes les tirs et toutes les sodomes, contre le tsar du Nord, contre ce chasseur d'hommes suivi de tous ses chiens, contre toute l'Europe avec ses capitaines, avec ses fantassins couvrant au loin les plaines, avec ses cavaliers tout entiers, debout comme une hydre vivante, ils chantaient, ils allaient, l'âme sans épouvante et les pieds sans souliers. Au levant, au couchant, partout, au sud, au pôle, avec de vieux fusils sonnant sur leur épaule, passant torrents et monts, sans repos, sans sommeil, coups de percée, sans vivre, ils allaient, fiers, joyeux et soufflant dans des cuivres, ainsi que des démons. La liberté sublime emplissait leurs pensées. Flotte prise d'assaut, frontières effacées sous leurs pas souverains. Ô France, tous les jours c'était quelque prodige. Choc, rencontre, combat, et Joubert sur la Dige, et Marceau sur le Rhin. On battait l'avant-garde, on culbutait le centre. Dans la pluie et la neige, et de l'eau jusqu'au ventre, on allait en avant. Et l'un offrait la paix, et l'autre ouvrait ses portes, et les trônes roulant comme des feuilles mortes se dispersaient au vent. Oh, que vous étiez grands au milieu des mêlées, soldats, l'œil plein d'éclairs, faces échevelées, dans le noir tourbillon, ils rayonnaient, debout, ardents, dressant la tête, et comme les lions aspirent la tempête quand souffle l'aquilon, eux, dans l'emportement de leurs luttes épiques, ivres, ils savouraient tous les bruits héroïques, le fer heurtant le fer, la Marseillaise ailée et volant dans les balles, les tambours, les obus, les bombes, les cymbales, et ton rire, ô Kléber. La révolution leur criait, volontaires, mourez pour délivrer tous les peuples vos frères. Contents, ils disaient oui. Allez, mes vieux soldats, mes généraux imberbes, et l'on voyait marcher ces vanupiés superbes sur le monde ébloui. La tristesse et la peur leur étaient inconnues. Ils eussent, sans nul doute, escaladé les nues, si ces audacieux, en retournant les yeux dans leur course olympique, avaient vu derrière eux la grande République montrant du doigt les cieux. Vous êtes à Carnet de guerre. On a entendu juste avant Marlene Dietrich qui a si splendidement remplacé à pied levé l'orchestre qui devait jouer, qui a eu des petits problèmes techniques. C'était suivi par un beau poème de Victor Hugo, interprété par le professeur Joseph Dumais. Un poème qui s'intitulait « À vous, soldats de l'an 2 ». En espérant que ça ait pu regaillardir le cœur de nos soldats, n'est-ce pas, M. Dr. Jones? Oui, quel orateur, ce M. Dumais. Et peut-être que nous en aurons un peu plus dans les prochaines semaines, puisque notre mission dans cette émission est de regaillardir le cœur des soldats, mais aussi des familles qui sont restées à la maison au Canada ou dans les pays alliés, dans tous les endroits où rayonne la liberté. Et nous allons poursuivre. Ah, d'ailleurs, Gisèle me glisse à l'oreille que vous pourriez nous appeler ou en utilisant les techniques modernes de communication, le téléphone. 640-1586. Vous pouvez aussi nous contacter via Pigeon Voyageur ou le courrier. Nous sommes situés à Limoilou, au Canada. Et nous allons poursuivre avec une pièce qui s'appelle « Brigadier, vous avez raison ». Et nous revenons dans quelques instants. Vous êtes à Carnet de guerre 89,1. Brigadier, vous avez raison. Tentez par monsieur l'oiseau. Les gendarmes, bon dimanche, se vont à le long d'un sentier. Mais pourtant, la fortune blanche, contre le jaune bondrille. Le premier disait bon son or, le temps est beau pour la saison. Brigadier, répondit Vador, Brigadier, vous avez raison. Brigadier, répondit Vador, Brigadier, vous avez raison. Pensez, c'est difficile, la propriété. Trempez, j'ai des choses à dire, tu vas les donner équipés. Pour ça, les bourses j'adore, repose seul à la maison. Brigadier, répondit Vador, brigadier, vous avez raison. Brigadier, A pour Alphonse. Je répète, A pour Alphonse. This afternoon, the Prime Minister, Mr. Winston Churchill, crossed the Rhine in a landing craft on the American 9th Army beachhead sector and spent a quarter of an hour walking around and inspecting the signs of yesterday's battle on the eastern bank. With Mr. Churchill were Sir Alan Brooke, Chief of the Imperial General Staff, Field Marshal Montgomery, and General Simpson, Commander of the American 9th Army. During his quarter hour in the bridgehead, the Prime Minister climbed one of the great earthen dikes which were fought for by the infantry and discussed the landings with the American General, Simpson. Later, the Prime Minister made a short cruise along the Rhine in the landing craft his first cruise on this great river since he sailed it in a motor torpedo boat just after the last war. Mr. Churchill then said he would like to see Vessel, and the party drove north. Mr. Churchill, leading the party, climbed onto the first span of the great Vessel Bridge, which was the retreating Germans destroyed, and he inspected the ruins of the town through his binoculars. While the Prime Minister was on the bridge, our guns were in action and landing craft were crossing, and the sound of machine gun and rifle fire could be heard clearly from the town. The Prime Minister spent 3 hours in the 9th Army sector. Les nouvelles du front. Une présentation du marché général. Front de l'Ouest. Après des débuts prometteurs, l'armée du général Foch vient de subir un léger revers. Après avoir enfoncé l'aile gauche de la 7e armée allemande sur la Marne, le général Foch a opté pour une nouvelle stratégie. Malgré des pertes importantes du côté de l'Axe, l'armée victorieuse se replie sur Paris. Les rapports alliés sont dithyrambiques. Des tonnes de matériel ont été saisies et plus de 3000 soldats allemands ont été capturés. Le retrait stratégique temporaire des troupes de Foch permettra une recalibration des mesures défensives d'urgence appliquées. Gloire au général Foch! Afrique. L'armée canadienne vient de franchir une nouvelle étape dans l'escalade de la guerre. En effet, les premiers conteneurs de matériel canadien viennent d'arriver sur le front marocain. Des canifs d'assaut bombardiers seront distribués aux troupes autochtones ainsi qu'aux Britanniques. Les canifs canadiens sont hautement réputés internationalement. C'est ainsi, dit-on, que le roi slovène s'est exclamé après avoir observé la finesse de l'outillage canadien. « Ah! Si les Slovènes avaient de pareils couteaux, la guerre serait terminée en 6 mois! » Front intérieur. Les ingénieurs de la Commission royale des chasseurs alpins ont terminé cette semaine l'installation d'un poste de contrôle météorologique en Alaska. Les Inuits ont été grandement impressionnés par cette nouvelle technologie. C'était Gilbert Aubert pour le réseau Columbia. De retour en studio. Vous êtes toujours à Carnet de guerre. Nous allons maintenant entendre un reportage de la radio de Radio-Canada qui collabore avec nous pour diffuser les nouvelles du front. Cette semaine, le front italien. Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada qui vous parle d'Italie. À 2 ou 3 milles du front, d'un côté à l'autre d'un cours d'eau parallèle aux fleuves Sangro et Moro, nos ingénieurs ont dû jeter un pont pour remplacer un ouvrage assez considérable que les Allemands, comme toujours, ont fait sauter en se pliant. Non pas que ce cours d'eau soit profond, mais son lit est boueux et dérive assez escarpé du fait qu'avant de se jeter dans l'Adriatique, il suit une vallée, à vrai dire, un étroit passage entre deux falaises. Pour atteindre les premières lignes, tous les camions chargés de matériel et de vignes doivent emprunter le pont que l'on a baptisé avec humour du nom de Contrast Bridge. Mais si le franchir est un problème, c'est un problème beaucoup moins angoissant que la descente qui le précède. Le long d'une corniche, le long d'une route en corniche, que les Allemands ont dynamité à deux endroits et qu'ils continuent de bombarder de façon intermittente, et où on se trouve en somme à la merci d'un obus ennemi, d'un de ces obus que les Boches savent décocher avec précision, car ils caressent l'espoir de faire le plus de dommages possible, tant leur infériorité du point de vue artillerie ne leur permet pas de se payer le luxe de longs et violents barrages comme les nôtres. Ce matin, en cours de route, nous avons fait un arrêt à l'entrée du pont. Nous voulions causer quelques instants avec ce caporal de la gendarmerie de l'armée, qui de 9h à midi, presque tous les jours, il dirige la circulation. Un de ces solides Canadiens qui exécute les ordres du prévôt de l'armée à la lettre, auquel on a dit d'accélérer le passage des véhicules à cet endroit exposé, et qui s'acquitte de sa tâche, sans beaucoup se soucier de ce qui se produit autour de lui. Il est le maître incontesté de son pont, et ce n'est que sur un de ses signes que les ambulances, les jeeps, les automitrailleuses, les chars, les canons, les camions qui transportent troupes, matériel et munitions peuvent s'engager sur les trappes pavées. Sa tâche est une tâche ingrate s'il en est une, puisqu'il doit l'accomplir à ciel ouvert, exposé aux tirs intermittents de l'ennemi, sans pouvoir beaucoup compter sur les abris naturels. Mais voilà l'enregistrement que nous avons fait sur les lieux. Sur la route qui conduit au front, à côté d'un pont que nos ingénieurs ont construit au-dessus d'une petite rivière, la circulation est assez intense. Et à côté de moi se trouve, ganté de blanc, un gendarme de l'armée. Il dirige la circulation et c'est l'un des membres du détachement des gendarmes de l'armée. Il demande aux jeeps, aux camions qui transportent des troupes, aux camions qui transportent des munitions, de passer ce point le plus vite possible. Les véhicules qui se dirigent vers le front, bien entendu, ont la priorité. Nous sommes au fond d'une vallée où les postes lancent de temps à autre quelques obus, mais surtout au-dessus de nous, à un tournant de la route. Le nom de ce gendarme de l'armée est le caporal Ted Stitchman de Montréal. Et je vais lui demander de vous dire quelques mots. Caporal, depuis combien de temps êtes-vous dans l'armée? Depuis combien de temps êtes-vous dans l'armée? 4 heures. Non, dans l'armée. Oh, dans l'armée. 4 ans. 4 ans, hein? Vous êtes venu en Europe avec quel régiment? Avec le Black Watch. Et ce matin, vous avez commencé à travailler à 3 heures. À 9 heures. C'était un obus allemand qui a éclaté justement au tournant de ses troupes. En voilà un autre et un troisième. Avez-vous été obligé de crier que vous travailliez et vous mettre à couvert à certains moments? Oui. On comprend en entendant. Les 3 derniers obus sont allés donner en plein sur le revêtement de la route. De prime abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'une de nos parties d'approcher. Mais le caporal Stitchman est si habitué à des ententes s'écraser derrière lui qu'il n'a même pas bougé. Et c'est par un geste aussi naturel que lorsqu'il fait signe au véhicule de s'avancer, il m'a indiqué l'endroit où le premier est tombé et où les 2 autres ont bientôt suivi. Un nuage de fumée grise et blanche a recouvert cette courbe pendant 1 minute ou 2. L'intervention de l'ennemi et l'approche d'un convoi d'ambulance qui revenait du front ont mis fin subitement à l'interview. 3 quarts d'heure plus tard, après avoir suivi une route tortueuse, mais pas aussi tortueuse que ce que nous avons vu déjà dans les régions les plus montagneuses du sud de l'Italie, nous atteignions la croisée de la route et d'un sentier tout juste assez large pour notre petit véhicule. 300 mètres plus loin, nous étions derrière une colline, au sommet de laquelle se trouvait l'un des postes d'observation de l'armée. Nous avions obtenu la permission d'y passer quelques minutes et nous avons escaladé la pente à vive allure, à tel point qu'il me fut tout à fait impossible de reprendre mon souffle. Nous sommes maintenant dans ce que, dans le langage de l'armée, on a convenu d'appeler un poste d'observation. Je ne vous le décrirai pas, sauf pour vous dire qu'il se trouve au sommet d'une colline qui domine le fleuve Moreau, dont nous voyons en ce moment les eaux très vertes. Le fleuve n'est pas large, au plus d'une 30aine de pieds. À gauche devant nous se trouve un petit village que nos troupes occupent depuis hier. L'activité n'est pas plus considérable, pas aussi considérable que dans la journée du 9. Mais depuis 24 heures, il y a eu des duels assez sérieux entre les artilleurs et les mitrailleurs des 2 côtés. De temps à autre, vous pouvez peut-être entendre le sifflement des obus ou le frontissement des avions qui survolent les lieux. Dans la vallée, à 1000 mètres, on aperçoit nos chars qui monteront de nouveau à l'assaut un peu plus tard dans la journée. L'activité aérienne, vous pouvez en juger, est assez intense. Et depuis hier, le nombre des sorties de notre aviation contre les lignes ennemies dépasse les 450. d'après les officiers qui se trouvent avec nous dans ce poste d'observation, les bœufs se défendent avec beaucoup d'acharnement et de détermination. Ils ne manifestent encore aucune intention de vider les lieux. Tous ces obus, obus de 25 livres et obus de mortier, que vous entendez siffler de temps à autre, vont s'abattre sur la crête en face de nous, là où les bosses opposent de la résistance. Lord Moore, ingénieur de Radio-Canada, qui fut engagé au poste CBF et CBM de Montréal avant sa venue en Outre-mer, fait l'enregistrement de ces deux émissions. À peine la seconde était-elle terminée que 24 télévox ont fait leur apparition soudaine au-dessus de nos têtes. Quelques secondes encore, et de très bas ou de très haut sont laissés impressionnés par le feu de la DCA allemande, ils piquaient sur leurs objectifs, lançant leurs bombes et mitraillant les troupes allemandes qui n'avaient pas eu le temps de gagner leurs abris. Le sifflement des explosifs, le sifflement des avions qui plongeaient, l'éclatement des projectiles de la DCA, l'explosion des bombes, le brandissement des moteurs, l'explosion des obus de l'artillerie qui démarquait qu'on se lançait de part et d'autre, autant de sons qui emplissaient l'atmosphère. On comprend que le bruit des moteurs des camions qui gravissaient la route de l'autre côté du monde était imperceptible. Ils profitaient de ce rideau de feu pour se glisser jusqu'au petit village que nous occupons depuis hier. Là, ils renforceront nos positions au cas où l'ennemi déciderait de contre-attaquer. Ce que, d'après les rapports les plus récents, ils semblent encore capables de faire. De toute façon, ce soir, à la dernière heure, la situation reste très satisfaisante et les progrès de nos troupes semblent plus marqués que ceux de la journée d'hier. La bataille se continue. Les Allemands subissent des pertes considérables, plus considérables que les nôtres, et pourtant nous sommes les assaillants. Il est probable que demain, le chiffre des prisonniers ne sera pas loin des 300. L'ennemi est étourdi, mais il tient avec une opiniâtreté sans précédent dans la campagne d'Italie. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande à toi, en particulier petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et René. Quant à mon véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi qu'à ma petite maman, bien des peines, je te salue pour la dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, c'est Serge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Guy. Soldats. Je vous nomme ainsi, sachant par notre histoire que nos femmes se sont... Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie vous propose à chaque troisième dimanche du mois de déguster 4 bières noires de type stout et 4 chocolats pour un prix modique. Curieux, nous sommes allés recueillir des impressions sur place. Vous, madame? Vous, monsieur? Essayons tout le groupe. Renseignez-vous au 52 bières ou à labarberie.com. Waouh! Le bal du lézard. Le bal du lézard, voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les samedis soirs, de la Volca, une spécialité offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe soit des nachos ou des hot dogs européens, de la musique et des humains. Au bal du lézard. Abrasif, décapant, intense. Le bal du lézard, 3e avenue à Limoilou. CKRL. Dans le cadre de la 3e édition de la Fête de la musique, Monsieur Menoum vous fait une scène de 12 heures. Il y aura scène ouverte de 14h à 17h et ensuite y défileront les Sylvia Baudry, Gilbert Joseph, Feber E. Coyote, Manifest, Luigi, Ultra Festan, Casabon, ainsi qu'Atomic Baobab. Baobab. Et on clôture la Fête de la musique avec un jam. Dimanche 20 juin 2010, de 14h à 2h, à la Ninkasi du Faubourg, 811 rue Saint-Jean. Une production Menoum en collaboration avec CKRL, la Ninkasi du Faubourg et les Guitares Énergie. But if you stay, I'll make you a day like no day has been. Oh, we'll be again. We'll sail the sun. We'll ride on the rain. We'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. C'est KRL, la radio culturelle. Vous êtes toujours en compagnie de Lucien Aymon pour Carnet de guerre à CKRL 89.1. Qu'est-ce qu'on a entendu juste avant? Eh bien, il y avait la récitation d'un testament d'un des soldats qui allait être fusillé, un soldat dissident. Hein, des déserteurs, ça peut arriver qu'ils soient fusillés pour l'exemple. C'est arrivé cette semaine. Alors nous déplorons cette perte, c'était bien fâcheux, mais les soldats ne doivent jamais déserter face à l'ennemi, et c'est important pour remporter la victoire. Et nous sommes tous derrière, évidemment, le gouvernement canadien et ses forces armées. Nous avons aussi entendu un reporter de Radio-Canada qui parlait en direct du front italien. Et maintenant, nous allons entendre un discours du lieutenant Dupré. Alors, mesdames, ce message s'adresse à vous. Femmes du Canada, femmes soldats, je vous nomme ainsi, sachant par notre histoire que nos femmes se sont toujours montrées soldats. Qu'elles se sont toujours montrées à la hauteur de leurs tâches. Qu'elles se sont toujours montrées capables d'entreprendre la défense des choses qui leur sont chères. C'est donc à chacune de vous que je m'adresse. Le Canada est en guerre maintenant depuis près de 4 ans. Cette guerre est la nôtre. La cause de la liberté, de la justice et de la démocratie est notre cause. Nos hommes donnent leur vie et nos hommes se battront aussi longtemps que l'ennemi vivra. le bon sens exige que vous réalisiez ceci. La guerre passe avant tout. Il y a tout à perdre ou tout à gagner. Le choix est à vous, mais pour gagner, il faut se battre. Pourquoi sommes-nous en guerre? Nous défendons notre bel héritage, notre glorieuse tradition. Nous défendons le genre de vie que nous voulons vivre. Nous nous battons pour assurer la tranquillité et la paix pour l'avenir. Nous voulons toutes ces choses, et pour nous et pour nos enfants. L'avenir dépend de nous. La génération qui vient compte sur nous. Il faut envisager les faits et agir en conséquence. Aujourd'hui, encore une fois, nos hommes sont en guerre. Ils nous appellent pour leur venir en aide. Ne manquons pas à ce sacré devoir. Devoir, dis-je, non. Privilège, oui. Car c'est un honneur de servir et notre pays en vaut l'effort. L'armée canadienne a besoin de vous. Oui, de nous les femmes, afin de hâter le jour de la victoire. Le corps féminin de l'armée canadienne a une place pour chacune de vous. Ne la laissez pas vide. Votre homme a besoin de votre effort, de votre travail et de toute votre énergie. Rangez-vous à ses côtés. Adoptez l'uniforme des forces armées de votre Canada. La patrie fait appel en ce moment à l'élite des femmes et jeunes filles patriotiques. Qui d'entre vous ne serait pas fier de vous compter parmi ce nombre, afin d'avoir votre part dans la victoire? Et qui de nos hommes ne sera pas fier de rendre hommage à l'assistance que vous leur aurez donnée? Vous êtes assez intelligente pour comprendre que nous n'avons pas le droit de déserter nos compatriotes lorsqu'ils ont besoin de nous. Et c'est de déserter que de ne pas tout faire dans notre pouvoir pour leur aider. L'armée canadienne vous appelle. L'armée féminine vous attend. Le CWAC vous accueille. On ne vous demande pas de sacrifice, au contraire, il y a de nombreux avantages. On vous offre des positions importantes à notre effort de guerre, un travail intéressant selon vos capacités. On vous offre l'uniforme dont vous pouvez être fier, la place d'un homme afin qu'il vous revienne plus vite. On vous offre un rôle magnifique dans la juste cause et la participation dans la victoire finale. Que voulez-vous de plus? Et encore, l'armée prend soin de ses femmes comme elle prend soin de ses hommes. Dans la vie civile, où trouverez-vous une position où vous serez logé, nourri, habillé, soigné et payé aussi avantageusement? Dans la vie civile, où trouverez-vous une position qui pourra satisfaire à vos ambitions de promotion, selon votre travail et vos qualifications? Ou toutes ces chances d'apprendre un métier où vous serez utile plus tard? L'armée vous offre toutes ces choses. Pensez-y sérieusement. Ouvrez vos oreilles, votre conscience et votre cœur à l'appel urgent que vous fait votre pays en ce moment. Nous ne devons plus penser à soi, mais à l'ensemble. Réveillons la fierté de notre race et d'une voix disons « Je me souviens ». Vos sœurs dans le CWAC vous attendent. Venez avec nous et ayez la grande satisfaction du devoir accompli. Vous ferez un travail de la même importance que celui des hommes, car vous les remplacerez. Montrons-leur ce que nous pouvons faire, afin qu'ils puissent toujours dire de nous « Vive la Canadienne !» Hello, everybody! They say I'm crazy and got no sense, but I don't care. They may or may not be friends, but I don't care. And all the collaborations extended. And my star is in the sense. And that's why I don't care. I don't care. I don't care. What they make me for me. I'm happy with the peace. Been taking time to talk. United States, and also for another conference of our joint staffs. We were all delighted when, by a happy inspiration, President Roosevelt suggested that Quebec should be the scene. And when the Governor General and the Government of Canada offered us their princely hospitality. Certainly, no more fitting and splendid setting could have been chosen for a meeting of those who guide the war policy of the two great Western democracies at this cardinal moment in the Second World War than we have here in the Plains of Abraham, in the Chateau Frontenac, and the ramparts of the Citadel of Quebec, from the midst of which I speak to you now. Here at the gateway of Canada, in mighty lands which have never known the totalitarian tyrannies of Hitler and Mussolini, the spirit of freedom has found a safe and abiding home. Here, that spirit is no wandering phantom. It is enshrined in parliamentary institutions based on universal suffrage and evolved through the centuries by the English-speaking peoples. It is inspired by the Magna Carta and the Declaration of Independence. It is guarded by resolute and vigilant millions, never so strong or so well-armed as today. I have also had the advantage of conferring with the Prime Minister of Canada, Mr. Mackenzie King, the experienced statesman who led the Dominion instantly and unitedly into the war, and of sitting on several occasions with his cabinet, and the British and Canadian staffs have been over the whole ground of the war together. The contribution which Canada has made to the combined effort of the British Commonwealth and Empire in these tremendous times has deeply touched the heart of the mother country and of all the other members of our widespread family of states and races. From the darkest days, the Canadian Army, growing stronger year by year, has played an indispensable part in guarding our British homeland from invasion. And now it is fighting with distinction in wider and in widening fields. The Empire Air Training Organization, which has been a wonderful success, has found its seat in Canada and has welcomed the flower of the manhood of Great Britain, of Australia, of New Zealand to her spacious flying fields and to comradeship with her own gallant sons. All this, of course, was dictated by no law. It came from no treaty or formal obligation. It sprang in perfect freedom from sentiment and tradition and in a generous resolve to serve the future of mankind. I am glad to pay my tribute on behalf of Britain to the great Dominion and to pay it from Canadian soil. Toujours à Carnet de guerre avec Lucien Aymon. Et ce qu'on vient d'entendre, on a entendu un discours inspirant de la lieutenant Dupré qui s'adressait aux femmes du Canada. Un message pour vous, mesdames, de contribuer à l'effort de guerre. C'était suivi par Eva Tremblay, une diva canadienne, qui chantait « I don't care ». Eva Tremblay a beaucoup de succès aux États-Unis. Et ces pratiques décadentes font réagir les gens bien pensants, dont l'Église en particulier. Mais vraisemblablement, elle a beaucoup de succès puisqu'elle remplit les salles de spectacle. C'était suivi par un discours de Winston Churchill, le premier ministre britannique, qui faisait une diffusion en direct à partir de la ville de Québec. C'était rediffusé coast to coast et à travers le Commonwealth au grand complet. Et ça suivait par... ce bloc était terminé par Sons of Liberty, interprété par Boor Henry et Andrea Sarto. Ce sera bientôt la fin pour cette émission, cette première émission de Carnet de guerre de la saison. C'est Lucien Aymon qui est en votre compagnie. Vous pouvez me rejoindre pour les minutes qui restent au 640-1586. Et tout ce qui me reste à faire, c'est réciter quelques lettres de familles canadiennes pour leur famille qui est déployée comme ça à l'étranger. Et vous êtes invité d'ailleurs à fournir vous-même vos propres lettres si vous voulez contacter en direct des membres de votre famille déployés à l'étranger. Vous pouvez le faire par ma propre personne. Utilisez les méthodes de communication les plus modernes, le téléphone, le chatophone ou le pigeon voyageur. Alors, il y a Gwendoline Tremblay qui aimerait saluer son fils, 18 ans, qui a été récemment installé en Corse depuis 3 semaines. Elle aimerait lui envoyer ses meilleurs vœux. Et évidemment, CKRL joint ses propres vœux à celles de Gwendoline Tremblay. Et elle ajoute « Reviens vite à la maison, fiston, j'ai tricoté une petite laine pour toi. » De quoi nous remplir le cœur d'allégresse. Anita Robitaille aimerait quant à elle souligner l'important travail du 3e régiment d'infanterie. Madame Robitaille a fait brûler 3 cierges pour vous afin d'ajouter la contribution de Dieu au combat des soldats du 3e régiment. Elle conclut en disant qu'on n'a jamais assez d'aide de quiconque et surtout pas du Tout-Puissant. C'est bien dit. Et c'est déjà la conclusion de cette émission. Peut-être que nous allons nous quitter avec une dernière pièce. C'était Lucien Aymon avec vous. Et nous allons écouter une pièce de Groucho Marx. Carnet de guerre vise à couvrir l'actualité du front de la guerre. Nous reviendrons la semaine prochaine, samedi 19h, pour plus d'actualités et pour vous renseigner sur l'état de la situation. Groucho Marx. Au revoir, à la prochaine. I don't know what they have to say. It makes no difference anyway. Whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I'm opposed to it. On general principles, I'm opposed to it. He's opposed to it. In fact, indeed, he's opposed to it. For months before my son was born, I used to yell from night till morn, whatever it is, I'm against it. And I've kept yelling since I first commenced it. I'm against it. Knowing Dad as I do, I'd not advise you to displease him or tease him. No, no, don't double-cross him or toss him around. When dear old Dad once gets mad, he's a hound. My son is right, I'm quick to fight, I'm from a fighting clan. When I'm abused or badly used, I always get my man. No matter if he's in Peru, Paducah, or Japan, I go ahead alive or dead, I always get my man. I soon discovered